It's about racism, but it's also about homophobia, and it's about transphobia, and it's about addressing ableism. It's about creating a sense of international solidarity. And I think that is what is characteristic of the work that young organizers are doing. They recognize that it's not possible to effectively create radical consciousness by focusing on a single issue. Une mardi sur 2 à 21h et aussi sur radiorageuse.net. Bonsoir. Et comme vous le voyez, on est nombreuses et nombreux dans le studio ce soir. Oulala. Et vous êtes en direct sur le 895 Radio Dio. Et c'est l'émission Comme un ouragan. Un mardi sur deux. En alternance avec la France Pu. Alors pour commencer cette émission, je voudrais vous raconter une petite histoire. La légende stéphanoise raconte qu'environ en 2013, une vingtaine de personnes ont marché dans Saint-Étienne pour faire une marche des fiertés avec un appel fait par le réseau social qui était Facebook à l'époque. Et où on ne sait pas trop ce qui a été revendiqué, l'histoire ne le raconte malheureusement pas, mais des personnes ont pu se rencontrer, puis ensuite se séparer. Plus tard, en 2017, par là à peu près, pareil, l'histoire ne précise pas la date, il y a eu des réunions pour organiser une Pride. Donc un autre nom possible pour la marche des fiertés, on va donc discuter... dans cette émission de pourquoi, quel terme. Une Pride où plusieurs associations se sont rassemblées pour décider qu'est-ce qui allait être fait, demander des autorisations à la mairie, éventuellement trouver un but commun pour cet événement. Mais voilà, des scissions sont apparues et un village associatif sous forme de Pride a eu lieu et non une marche. Alors aujourd'hui, cette émission va questionner la question des marches des fiertés, des prides. On va aussi se demander entre nous, en ville, en campagne, c'est quoi les enjeux, c'est quoi qui se pose, pourquoi on fait ça. Voilà. Et voilà, et du coup, suite à cette Pride de 2017, j'allais dire 2013, mais pas du tout. Bah en tout cas, nous, on est pas mal à s'être retrouvés à la Marche des Fiertés de Saint-Étienne au mois de juin dernier, où il y avait un magnifique cortège radical avec des slogans, une banderole de tête très très belle qui avait été faite par des camarades. Et comme un ouragan, on était plusieurs à avoir déjà participé à des marches de fierté et ça nous a un peu questionné sur pourquoi il y a toujours autant d'émotions d'aller dans les marches de fierté, pourquoi ça nous brasse, pourquoi en même temps ça nous fait des nœuds politiques sur c'est quoi qui va être revendiqué à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait nos alliances de façon large au niveau LGBT ou pas, est-ce qu'on s'allie avec les mairies, pourquoi est-ce que ça nous fait toujours autant de bien quand il y a un cortège radical. Du coup, on a choisi de faire une émission très collective ce soir et d'inviter des camarades qui ont participé à des orgas de Pride, en fait, et de cortèges radicaux, et avec qui on avait eu des échanges, et on avait envie un peu d'échanger autour de ça, de... Mais alors, la marge des fiertés, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça nous fait? Bah ça, et bah comme tu as dit, mais plus précise, mais pourquoi on y va? Qu'est-ce qu'on cherche si on va à une Pride? Du coup, on est beaucoup en studio, là, pour vous décrire un peu l'ambiance. On est quand même, il y a trois camarades en technique, et là, en studio, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du coup, je pense que c'est un peu aussi à l'image de ce qu'on avait envie de brasser, quoi, de dire... On a un peu plus de TPG à Saint-Étienne, j'ai envie de le dire. Sinon, on croit qu'on a invité tous les TPG de Saint-Étienne dans le studio. Et on est 10. En fait, non. Et du coup, la première question que moi j'avais envie de poser aux invités, et puis à nous aussi, au groupe de Comme un ouragan, c'est est-ce que vous voulez bien nous raconter votre première marche des fiertés? C'était quand? C'était quoi le contexte? C'était quoi que vous brassiez à ce moment-là? Est-ce que vous étiez entouré par des LGBT ou pas? C'était où? Etc. Moi je veux bien commencer. Du coup, la Pride de Santé, c'était ma première Pride. Où j'ai participé à l'organisation du cortège TPG. C'était un moment du coup de ma vie où je me suis outée sur mon genre et j'avais pas mal de choses à revendiquer. J'étais très très fière et il y avait une sorte de libération qui s'opérait en moi et que je voulais partager avec avec mes pairs. Je prends la suite. Moi, ma première Pride, c'était en 2011, au Canada, à Vancouver. À ce moment-là, j'étais lesbienne, j'étais pas gouine, ni PD, encore moins. Comme quoi, les choses bougent. Et j'étais plutôt seule à les admirer et à me dire, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais monter sur un char. Et voilà, du coup, j'étais plutôt dans le public, quoi. Moi, ma première Pride, je pense que c'était un truc comme 2011 aussi, il me semble. Je crois que j'avais 19 ans et j'habitais à Lyon. Et du coup, c'est une Pride à Lyon. Et en fait, j'étais out de rien du tout. Et juste, j'habitais dans le centre-ville, j'ai entendu qu'il y avait la Pride et ça m'a paru grave évident que j'avais envie d'y aller. Voilà, je ne me suis pas demandé pourquoi. Maintenant, je sais. Et en vrai, j'avais trouvé ça assez ouf. J'avais eu peur de plein de trucs, mais parce que je pense que j'avais peur de plein de trucs. Et aussi, je me souviens que du coup, j'avais vraiment genre parlé à personne et que les seules personnes avec qui j'avais parlé, c'était des sœurs de la perpétuelle indulgence qui étaient venues me voir pour me demander genre qui j'étais. Et c'était chouette, ça m'avait fait du bien. Mais c'était où? À Lyon. À Lyon. Peut-être c'était sœur Anastasia, je me rappelle pas. Non, elle n'était pas née. Moi, ma première Pride, c'était celle de Marseille l'année dernière, du coup en 2021. Ça faisait un peu plus d'un an que j'étais sorti du placard en tant que meuf trans. Et je pense que c'est le premier endroit où j'ai vraiment rencontré et pu discuter avec des meufs trans avec qui je me sentais raccord à plein d'endroits et auprès de qui j'ai pu m'identifier un peu et me dire oh, « c'est possible d'être une meuf trans, d'être Gwyn ». D'être un peu radical et surtout d'être vénère et d'être capable de se taper avec d'autres personnes si jamais ça se passe pas bien dans nos vies. Moi, je crois que c'était, je ne sais pas du tout la date, ou je ne sais pas, parce que j'ai habité à la campagne comme Gwyn, même si je ne me disais pas Gwyn, mais j'étais Gwyn. Je suis allée à les plein de prides qui s'appelaient plutôt les Christopher Street Day, mais on va revenir sur ça plus tard. En Allemagne, à Berlin ou à Hambourg, avant 20 ans, et c'était plutôt dans une mode de quand même beaucoup revendiquer le truc qui s'est passé à Stonewall et à peine de découvrir avec ces marches, et c'est, pour moi c'est une manif en vrai, de découvrir un truc de collectivité ou fierté entre guillemets qui faisait grave du bien quoi. Et est-ce que vous vous rappelez un peu c'était quoi du coup, enfin vous avez déjà raconté, mais du coup c'était quoi un peu l'émotion que vous avez ressentie? Et je pense moi ma question elle est un peu sur j'ai l'impression à chaque fois que je parle des marches des fiertés avec des gens, il y a quand même beaucoup d'émotions qui sont rattachées à ce moment-là et aussi des fois à ce premier moment-là, et je trouve aussi que là dans les prises de parole que des fois c'est aussi un moment où on s'en rappelle fortement, et du coup d'arriver à... Je ne sais pas si vous avez un peu envie de raconter ce que vous avez ressenti là, d'être dans cette foule de gens et qu'est-ce qui s'est passé et tout ça quoi. Moi, je crois que c'était un moment très fort de sortir de la solitude. Et ça fait vraiment du bien d'être vraiment entouré et de ressentir, je pense, pour une des premières fois de ma vie, la sororité trans. Et qui... Je pense qu'il y avait vraiment... J'ai pas passé une pride à gueuler des slogans tout le long. J'étais un peu expectative tout en étant dans le cortège. Et ça a brassé beaucoup, beaucoup de choses. Et ça m'a permis de rencontrer pas mal de personnes. Et ce qui m'a aidé pour le reste de ma vie. Du coup, moi, je tremble un peu. Je sais pas si c'est la radio ou si c'est de repenser à la pride. Mais moi, c'est vraiment le fait d'appartenir à une communauté, de me sentir soutenue et de partager des vécus. Et ce sentiment d'appartenance, je le garde toujours quand je suis avec mes potes. Et ça fait vraiment, vraiment du bien. Et au moment de la pride, on était des centaines dans le cortège. Et c'était juste incroyable de ressentir ça. Moi, je crois que ça m'avait fait des méga... un gros, gros sentiment d'étrangeté. Mais parce qu'en fait, il y avait ce truc de être pas outé. Du coup, être juste... méga à regarder et à halluciner grave. Et je me souviens qu'entre autres, il y avait quand même un truc qui m'avait vraiment surexcité, c'est qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de monde en mode queer et en mode BDSM et en mode avec le moins de fringues possible. Et qu'en fait, la Pride passait dans le centre-ville de Lyon et qu'il y avait tous les bourges des gros magasins qui étaient genre vraiment à faire des têtes comme ça, comme si c'était dégoûtant. Du coup, là, avec du recul aussi, avec les... tout un peu les brassages de questions qu'il y a en ce moment autour de à quoi on a envie que les prides ressemblent, les machins, je me dis, ah, ça, c'est ça le truc qui m'avait méga marqué, de, en fait, débouler dans les rues et qu'il y a des gens que ça dérange et c'est cool, en fait, c'est chouette. Et aussi, et du coup, je viens de percuter que, en fait, j'ai fait cette pride en 2011 et que je pense que c'est celle, que la suivante que j'ai faite, ben, c'était en 2018. Et que là, du coup, ben, cette fois-ci, je savais pourquoi j'y étais. Et c'était une pride de nuit. C'était la première pride radicale de nuit à Lyon. Et du coup, c'est cool de voir le parallèle des deux un peu. Et aussi, pourquoi il y a eu envie à des moments de faire des prides radicales à Lyon la nuit. Moi, j'ai pas un souvenir aussi joyeux. Moi, je me suis sentie super seule à cette pride. En admiration, parce que je pense que c'était les toutes premières fois où je voyais des drags de si près, j'étais là waouh, tellement badass. Mais moi, j'étais vraiment dans le public hétéro, du coup c'était un peu hard, mais ouais, quand même avec un truc d'espoir, d'avoir envie d'être parmi elles. Mais en tout cas, à ce moment là bah, j'y étais pas quoi. Et c'était peut-être un peu trop mainstream aussi pour que je me reconnaisse dedans. Je crois, moi, c'est drôle, ou peut-être c'est bien que j'ai rencontré la Pride, ou la Pride. Voilà, Christopher Street, quand même, un peu tôt à Berlin, où il y avait plein de discussions. Alors pour moi, c'était vraiment, je l'ai rencontré dans un discours politique, parce qu'à Berlin, il y avait le grand CSD, Christopher Street, énorme, avec plein de... des gros assos, plein de... mais vraiment aussi où tu te demandes bah, plein des gays, des droites par exemple, ou très capitalistes. Et alors, ça faisait un moment qu'il y avait déjà une petite CSD, TPG plutôt militant. Et alors j'ai suivi des discussions autour de ça et d'y aller, et de me dire, ben sans trop, parce que c'était juste là où j'ai lu la première fois là, de Leslie Feinberg, Dreaking Dreams, c'est un autre livre de Leslie Feinberg qui a écrit aussi Stonebridge Blues, mais je lis l'autre livre, je crois, il n'est pas traduit en français. Mais c'est un peu une suite qui est vachement chiante que ce n'est pas traduit, parce qu'elle est vachement bien, ce livre. Bon, en tout cas, pour dire, pour moi, c'est vraiment plein de voir. Bon, il y a la manif, il y a plein. On boit pas mal de maté, champagne. Pas champagne. Le champagne est moins cher. Ça s'appelle comment? Je ne sais plus. Le mousseux. Voilà. Maté mousseux. Et après, il y a la grande scène et plein de speeches des gens différents ou des concerts, mais très politisés, quoi. C'est pour ça, pour moi, c'est vraiment un souvenir très manif. Et même pour dire, quand j'ai entendu qu'il y avait la prête à Sainte et tout, pour moi, c'était même pas lié à seulement, je veux dire, de faire une marche de fierté. Moi, perso, je n'étais même pas sûre que j'aurais envie de participer. C'est bizarre à dire, mais aussi parce que le mot fierté, ça ne me parle pas trop. Mais même si je capte, et aussi le sentiment d'être à plein, et c'est trop bien, et tu te sens trop fort. Mais c'était un peu lié à tout ça. Alors, bon, voilà, je donne le micro à une autre personne. Moi, je te rejoins. Je crois que le mot fierté, à plein de moments, ça m'allait pas. En tout cas, moi, ma première Pride, c'était il y a longtemps à Rennes, et je sais que ça m'avait mis hyper mal à l'aise. Je m'étais senti un peu comme dans un zoo où il y avait tous ces gens qui nous regardaient là comme des gens chelous. Et après, j'y suis pas retourné pendant hyper longtemps. Jusqu'à ce que je pense j'aille à. Alors, c'est pas une Pride, mais c'était la première existence où je suis allé et qui m'a un peu, redonné envie de faire des grosses manifs un peu plus institutionnelles comme ça. Parce que là, je me sentais. Même si c'était une grosse manif nationale et tout ça à Paris, je trouve qu'il y avait un truc de revendication tout ça qui m'allait. Et pour moi, c'était pas juste un truc de sentir fier ou quoi, mais aussi d'aller demander et hurler et vraiment des trucs qu'on avait besoin, quoi. Bah, moi, j'ai l'impression que c'est un peu le nœud ou le centre aussi de l'envie de cette émission, c'est un peu ce mélange d'émotions qu'on peut avoir autour de la marche des fiertés, c'est-à-dire à la fois cette espèce d'émotion brute qu'on peut avoir quand on se retrouve tout d'un coup entouré de personnes avec qui on peut partager et sans trop savoir exactement ce qui va se passer, et que ça peut être un peu de la fascination, ça peut être un peu des fois du rejet, des fois des... Je sais pas comment dire, en tout cas moi j'ai l'impression qu'il se passe quand même pour pas mal de gens des moments assez forts, et effectivement ce qu'on avait envie d'aller causer aussi, c'est... et moi je trouve que dans les récits là déjà qu'on a, c'est entre des personnes qui d'entrée de jeu y sont allées sans revendication politique nommée, ça veut pas dire qu'il y en avait pas, individuellement ou partagée sans qu'elle soit dite comme ça, et des fois des besoins de dire d'entrée de jeu, bah non, moi en fait, si je vais dans la rue sur une identité transpédéguine, ça va avec des revendications claires, quoi. Et que je trouve aussi que ça fait après des chemins différents, comment on s'y rattache, ou comment on a envie de continuer à y aller ou pas, etc., quoi. Je trouve que c'est aussi le truc, parce que moi, je racontais moi, des trucs, par exemple, à Berlin, c'était... Moi, j'étais à la campagne, je suis allée à Berlin pour faire ça. Pour moi, c'est une différence. Et j'ai seulement fait... Bon, peut-être que c'est un peu plus tard, mais pour dire... Pour moi, ça joue beaucoup dedans. Pourquoi j'y vais? Qu'est-ce que je cherche? Et là, quand j'étais en ville, et il y avait tous les discours théoriques, je cherchais plutôt ça. Qu'après, je me dis, par exemple, à la campagne, qu'on a fait une fois, on a organisé, on était 30... Là, ça marche pour moi. Bah, même pas fierté, parce qu'en fait, c'est difficile d'être fier parce que tu as un peu peur de tous les gens autour. Tu dis, ouais, je suis trop fière d'être une gamine. Déjà, allô, je suis là. M'embêtez pas trop. Mais bon, comme nom pour une Pride, c'est pas ouf. Mais je trouve, oui, c'est un peu tout ça mélangé. C'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi. C'est toujours le derrière, d'où on vient, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Et d'ailleurs, moi, j'avais un peu envie de vous demander comment ça s'était passé, la rencontre autour de l'envie de... Parce que vous avez fait partie d'organisations, quand même, que ce soit de cortèges radicaux ou de marche des fiertés à la campagne. Comment ça s'est passé, un peu, l'envie de passer de ce moment où on est dedans, on regarde, ou que ce soit carrément la première fois qu'on y va, c'est carrément en mode... organisation. Et ça a été quoi un peu les motivations, c'était quoi l'envie derrière ça, et puis aussi comment ça s'est fait concrètement, quoi. Moi, ça en fait, j'étais en train de penser à ça quand il y avait un peu ce truc de parler des fiertés, enfin de ce mot fierté, parce que j'ai l'impression que le moment où on a commencé à voir qu'il y avait cette histoire de marche des fiertés à Saint-Thé, que ça sentait le truc vachement dépolitisé ou politisé dans un sens qui nous allait pas, ou hyper rendu inoffensif par les discours un peu, enfin voilà, le lien avec la mairie, bla bla. J'ai l'impression que l'espèce de truc qui nous a fait rire, c'est de se dire qu'il y avait vraiment pas de quoi être fier à plein de moments, de être à Saint-Thé et de voir ce que était la politique de Saint-Thé, et en même temps de voir que Saint-Thé faisait tout ce truc de pinkwashing via la mairie, quoi. Et que c'était très joli de mettre des drapeaux LGBT sur la mairie, mais qu'en fait ça suffisait pas, que ça nous allait pas, et que moi personnellement ça me faisait un peu un truc de, je préfère pas revendiquer de pas être hétéro si ça veut dire être en lien avec ces gens-là, quoi, en fait. Et que là, pour moi, s'il y avait une marche, il fallait qu'il y ait au moins une partie de cette marche qui ait une gueule comme ça, et sinon pas y aller du tout, quoi. Moi, là, je vais plutôt parler en tant qu'organisatrice de la Pride qui a eu à Cré, qui était en campagne. Où, du coup, moi, j'avais fait des Prides l'année précédente, où j'avais bougé à Marseille et à Grenoble. Mais j'habitais à Cré, à ce moment-là, en campagne, et que tout le long, j'ai passé ma vie à vivre en campagne avant de débarquer il y a quelques mois à Saint-Étienne. Et c'était un endroit où j'ai... Avant de sortir du placard, j'ai pas côtoyé de personnes transpédéguines. Et même en sortant du placard, tant que je vivais à Cré, j'ai rencontré quelques personnes, mais vraiment, on était peu nombreuses. Et pendant longtemps, j'étais un peu la seule meuf trans de mes endroits de sociabilité. Et du coup, organiser une marche des fiertés à Cré, pour moi, c'était un peu aussi de dire... on peut exister en campagne, il y a des transpédéguines qui vivent en campagne, et c'était un peu aussi une demande aux personnes transpédéguines qui vivent en ville de venir nous soutenir aussi en campagne, parce que nous, on est toujours obligé de bouger en ville pour ce genre d'événement, pour se retrouver communautairement. Et du coup, pour moi, plutôt, ce qui m'a motivé dans l'organisation de la Pride de Cré, c'était de dire: on existe en campagne, on arrive à s'organiser en campagne, et pour une fois, c'est les personnes des villes qui vont venir faire la marche avec nous et montrer qu'on existe et qu'on est en réseau et qu'on n'est pas seul dans nos campagnes, qu'il y a un réseau qui est beaucoup plus grand que ce que les hétéros puissent imaginer. Moi, je veux bien rebondir sur ce que la personne qui vient de parler vient de dire. Moi, je l'ai fait pour elle, surtout cette Pride. pas que, mais il y avait vraiment un message revendicatif parce que elle quittait la campagne à ce moment-là, et c'était comme dire oui, on existe, mais c'est dur. Et là, elle s'en va, et du coup, pour moi, c'était vraiment au revoir cette Pride. Je vais déjà verser ma petite larme. Et c'était... Moi, l'orga, ça me saoule, les réus, ça me saoule. Moi, ce que j'aime, c'est prendre le mégaphone et gueuler. Du coup, ça a été mon rôle pendant cette Pride-là, et vraiment d'honorer toutes les personnes qui n'arrivent pas à rester à la campagne parce que c'est trop dur. Et d'inviter celles qui sont en isolement à nous rejoindre, parce qu'il y a eu énormément de personnes qui sont venues aussi des alentours de Cré, qui sont venus en stop, que j'ai trouvé seule au bord de la rivière, et c'était trop marrant. Il y avait plein de queer partout à Cré, ce qui arrive jamais d'habitude. Et c'était trop bien, ils campaient au bord de la Drôme, ils étaient de partout. Et ça n'a pas été la même motivation, par exemple, pour ma participation à l'organisation du cortège radical de Saint-Thé. Là, c'était vraiment un truc de rage et de colère, de... Il y en a marre que ce soit toujours les mêmes qui s'expriment, il y en a marre que ce soit toujours les mêmes qui ont de la visibilité, même au sein même de nos communautés. Et c'était vraiment aussi rebondir sur ce qui s'était passé au Mega Gwyn Fest, qui est un festival de Gwyn. Et en gros, il y avait eu une personne qui était venue intervenir, qui s'était exprimée par rapport à la Pride d'Istanbul, où il y avait eu beaucoup, beaucoup de personnes qui avaient été interpellées et emprisonnées, et qui ont été libérées plus tard, mais on en parle peu, mais toutes les personnes qui étaient sans papes, elles n'ont jamais été libérées. Et en fait, c'était vraiment d'être en soutien avec la communauté internationale, et aussi, du coup, venir contrer toute la politique de santé, même si je ne suis pas stéphanois... je suis pas en accord avec, du coup, voilà. Du coup, moi, je peux rebondir sur le cortège TPG de la Pride de Saint-Étienne. Je me suis rendue à une réunion d'organisation de la Pride en tant que bénévole. Et là, j'ai vu que des personnes blanches, cis-gays pour la majorité, et que je connaissais de loin, et en fait, leur politique d'assaut me plaisait pas, et je me suis dit, si on fait pas quelque chose, en fait, on n'aura pas la parole. Et notamment avec ce qui se passait au niveau de la mairie, les réfugiés ukrainiens qui trouvaient un logement très facilement, et c'est super, mais il y avait un squat qui venait d'être fermé, et ces gens qui se retrouvaient à la rue avec des enfants, et c'était des personnes non blanches, et moi, pour moi, c'était hyper important d'en parler au moment de la Pride, quoi. Et concrètement, du coup, ça fait aussi qu'avec ces énergies-là, vous vous êtes capté sur des temps de réu, sur... Enfin, je sais pas comment ça s'est fait un peu pour se goupiller sur... Attends, pardon, est-ce que... Moi, j'aurais envie, avant cette question, ça fait la suspense de ouf, on écoute un petit morceau de musique. Je regarde fort la technique qui me donne des signes que, ouais, on a trop envie de passer une petite musique et qu'ils vont l'annoncer eux-mêmes, la musique. Sinon, moi, je vais le faire, hein, y a aucun problème. Sinon, je vais dire, parce qu'en fait... Tu voulais peut-être mettre une virgule, non ? Oui, une petite virgule avec une merzique. Merzique. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai écouté, il y a une personne qui a pris tout le son de la Pride à Saint-Thé. Et alors, j'ai catégorisé et analysé tous les slogans. Et alors, une petite virgule de ce slogan, c'était les virgules anti-flic, qui après mis avec une petite chanson. J'imagine que beaucoup des gens connaissent, qui est des Meryl Fac des Cops. On pourrait s'écouter ça, je crois. Ça s'appelle un peu comme slogan... contre-flic, peut-être. Voilà, c'est des slogans qui s'est passé pendant la Pride à Saint-Étienne. Encore. 13-12. Qui bouge tout au fond de leur conscience, des milliers de cadavres enterrés. Et on est de retour. Du coup, vous êtes toujours sur Comme un ouragan, émission autour de la marche des fiertés. Et là, on a eu un petit moment. Il est 21h33. Il est 21h33 et fuck les cops, voilà. C'était à toutes les heures. À toutes les heures. On pourra la faire à 21h34, 35, 36, etc. Du coup, moi, on en était un peu à se raconter comment ça s'est passé, l'orga d'un cortège radical, le pourquoi, les motifs, notamment sur la marche des fiertés à Saint-Étienne, parce que là, on a eu un petit retour en début d'émission sur le fait que qui dit marche des fiertés dit aussi solidarité communautaire, convergence de lutte et lutte aussi contre le capitalisme, le racisme et toutes ces pourritures de systèmes dominants. Et du coup, un peu comment vous vous êtes capté autour de ça, comment ça a pris et comment ça a marché, parce que j'ai envie de dire que ça a fait un superbe cortège radical au sein de la marche des fiertés cette année, quoi. Et ben, il me semble que genre le tout début de ça, ça a été genre une première réu où on avait un peu commencé à tchatcher de faire une pride de nuit à Saint-Étienne, en tout cas une marche de nuit, un truc un peu énervé, et puis qui avait pas donné trop de trucs derrière et qui a un peu été réactivé du coup par cette annonce de marche des fiertés à Saint-É. Et après, j'ai l'impression que le crew s'est rassemblé parce qu'on faisait déjà on faisait déjà des trucs ensemble par ailleurs, et qu'il y a eu une longue journée où une première réu qui concernait tout à fait autre chose s'est transformée en réu pour organiser un cortège, que ça a du coup aussi coïncidé avec ce truc de il y avait des gens qui étaient au Mega Gwyn Fest, qu'il y avait la répression de la Pride d'Istanbul qui venait d'avoir lieu. Du coup, j'ai l'impression que ça a fait un peu un micmac de allez go, on se lance. En fait, après, j'ai pas l'impression qu'on ait fait tant de réu, j'ai l'impression qu'après on a dit on fait des banderoles. Et puis après, on a passé une journée à faire des banderoles et à réfléchir à des slogans et à ce qu'on avait envie de faire et trouver une enceinte et nanani et blablabla. Faire une playlist. Et puis manger, parce qu'on a fait tout ça autour de brunch, c'était quand même vraiment super sympa. Et moi, par exemple, du coup, j'ai été à la marche des fiertés de Saint-Étienne, et moi, j'ai pas mal passé mon temps à faire l'aller-retour entre le cortège radical et, on va dire, le cortège qui était derrière le char officiel de la mairie, avec des fois un peu cette... Parce que je pense que ça me fait habiter des émotions assez partagées à ces moments-là, d'avoir à la fois besoin et envie de porter des revendications communautaires et convergence des luttes, et d'être dans ce moment un peu rageux et fort, et aussi ces moments où, je sais pas, là, de rappel de les premières prides que j'ai vues, quelque part, c'était pas des cortèges radicaux non plus qui les organisaient, et moi j'avais un peu envie de savoir comment vous étiez avec... ces espèces d'allers-retours qu'on peut avoir là, entre ces moments-là. Moi, j'étais plutôt en mode aller simple. genre, hors de question d'aller chez les traîtres. Et j'étais vraiment en guerre, quoi. Il y avait le cortège radical et le reste n'existait pas. Enfin, pour moi, les guides de droite, c'est comme les keufs, quoi. Faut les abattre. Mais en plus, tu vois... Moi, j'étais un peu dans ce mood-là aussi, en mode, on a envie de faire un cortège, en fait, on a envie d'être vénère, et ça fait du bien de faire que ce truc-là, et en fait, toute façon, si je me retourne et que je vois l'arrière du cortège, je vais juste rager, parce qu'il y a 1000 trucs qui vont me saouler. Et je pense que ça faisait grave du bien de faire ce truc-là à ce moment-là, et que c'était grave exactement ce dont on avait besoin et ce qu'il fallait faire. Et que là, et que tu vois, par exemple, t'as dit, genre, le char de la mairie, et en fait, c'était pas le char de la mairie, c'était genre le char d'assaut. C'était pas du tout un char d'assaut. Nous, on aurait bien aimé en avoir un, mais on n'a pas eu le temps de le faire. On a juste fait une banderole, c'était déjà bien. Le char des assauts qui avait organisé la Pride et qui, effectivement, ont sûrement eu les liens avec la mairie, mais que du coup, ça a permis de relativiser aussi plein de trucs. Et moi, j'ai l'impression que aussi, cette Pride, elle a permis de se rendre compte de trucs d'alliance qui pouvaient quand même être possibles, et que, entre autres, si ça s'est... entre guillemets, bien passé, en tout cas dans un truc où les petites tensions qu'il y a eu un peu rapidement au début sur en fait, on prend la tête du cortège alors que c'est pas ça qui était prévu, et machin, et en fait, toutes les photos de presse qu'il va y avoir, du coup, ça va être la grosse banderole en soutien à Istanbul et pas ce que les gens avaient envie de montrer forcément. Et ben, en fait, si ça s'est bien passé, c'est parce que, en fait, on a des alliés dans plein d'assauts et que, en fait, c'est cool, c'est ça qui est cool à Saint-Étienne. J'ai l'impression, c'est que les milieux, ils sont pour eux, les groupes de gens, ils sont pour eux, que les gens se connaissent. Et que du coup, eh ben, en fait, il y a eu des super, enfin, il y a eu des chouettes liens qui se sont faits à des moments pour que ça se passe d'une façon cool. Et du coup, moi, en tout cas, avec du recul, je me dis, c'est trop bien d'avoir fait un truc énervé, un peu genre en mode, on fait notre bulle et on se lance et c'est grave vénère. Et ça permet de voir à quels endroits c'est possible de faire du lien avec aussi d'autres gens qui sont dans d'autres dynamiques, sans, enfin, tout en ayant fait un truc qui nous colle, quoi. Je trouve ça vachement intéressant parce que, enfin, je pense au. Donc moi je participe au Pride aussi en tant que sœur de la perpétuelle indulgence, c'est ce qu'on essaye de faire en fait, faire du lien. Et pour nous, dans l'année, on va dire que les marches des friartés, ce sont un petit peu nos mystères glorieux et c'est un moment de communion. C'est pas facile de communier avec tout le monde, évidemment, mais donc on est là aussi pour soutenir des initiatives qui nous importent et notamment des initiatives radicales, mais pas que. Et du coup on compose aussi avec et on se compromet éventuellement avec toutes et tous les représentants de la communauté. Et moi je pense qu'il y a un truc que je trouve très important dans les prides, et c'est là où je suis contente qu'on ait fait ce cortège TPG. Alors moi j'ai passé la pride dans le cortège TPG, j'ai pas du tout fait l'aller-retour, mais que pour moi il y a aussi un mélange de plusieurs cultures LGBT et transpédéguines, où il y a la culture très radicale, où les prides sont un peu les petites sœurs des émeutes de Stonewall, donc c'était des émeutes. Et pour moi, ce côté-là revendicatif est vraiment très très important, parce qu'on continue d'en chier dans nos vies de transpédéguines, qu'il y a toujours beaucoup trop de sœurs trans qui disparaissent chaque année. Et des adelfes racisés, des adelfes handis, enfin des personnes qui vivent aussi d'autres oppressions cumulées. Et du coup, l'aspect radical revendicatif me parle, tout comme l'aspect fête qu'il y a eu plus sur le cortège qui était derrière le cortège radical. C'est que c'est aussi une autre culture qui fait partie de notre culture qui est hyper importante. C'est qu'on s'est aussi retrouvés pour survivre autour de la fête. Et moi, pour moi, c'est très important qu'il y ait les deux dans une manif comme une Pride ou une marche des fiertés. C'est que c'est vraiment aussi un mélange de ces cultures où, oui, on fait la fête parce que c'est aussi un moyen d'extérioriser notre rage. Et là, on peut avoir les deux au même endroit. Et du coup, ça permet aux personnes qui viennent pour extérioriser leur rage de pouvoir venir, mais des personnes qui viennent aussi pour faire la fête dans l'espace public, parce qu'on ne peut pas faire la fête dans l'espace public, de venir aussi. Et pour moi, les deux sont vraiment très importants, et c'est là où j'ai trouvé la Pride de Saint-Étienne vraiment très chouette à ce niveau-là. Moi, je voudrais juste ajouter par rapport à la différence entre la ville et la campagne. Moi, par exemple, pour la Pride de Saint-Étienne, la manière dont j'étais habillée m'importait peu. Alors que par contre, à Cré, j'y suis vraiment allée avec le moins de vêtements possible. Et on est parti en croûte chez moi. On est passé devant le PMU du coin où je passe tous les jours. Et là, on était que des TPG hyper classe sur leur 31, c'est-à-dire avec très peu de vêtements dans les gros clichés. Mais en tout cas, là, en l'occurrence, on était un crew vraiment plutôt dénudé, en résille, avec des couleurs dans les cheveux. Et y avait plein de trans aussi, et c'était trop bien de passer devant eux et de leur faire « Salut !» et de se sentir super fort. Et ce qui va pas, enfin, ça m'a moins fait ça en ville, quoi. Là, j'ai eu quand même ce petit sentiment de fierté, pas pendant la marche, mais pour me rendre à la marche. Du coup, moi, je suis restée dans le cortège TPG tout le long parce que je voulais pas du tout être assimilée aux assos. Et j'ai trouvé ça super parce qu'on s'est organisé, j'avais peur qu'on soit pas beaucoup dans ce cortège-là, et on s'est organisé, on a fait plein de pancartes qu'on a déposées au début de la marche, et il y a plein de gens qui étaient trop contents de venir chercher les pancartes avec des slogans assez radicaux. Et aussi, c'était trop cool. Finalement, dans le cortège TPG, on était peut-être, je sais pas, 100, 200, plus 300, enfin on était beaucoup, et c'était cool qu'il y ait des gens qui rentrent dans le cortège TPG et que puis après partent derrière le son pour aller danser et reviennent dans le cortège TPG. Du coup, je pense qu'il y avait vraiment un besoin et cette attente là au niveau des gens qui venaient à la Pride de Sainté, et c'est trop cool qu'on ait pu y répondre ou apporter quelque chose. Et je rajouterais un petit truc sur le cortège TPG, où pour moi le côté radical a vraiment du sens. C'est vraiment que c'est un endroit où on parle d'intersectionnalité beaucoup plus, vraiment sur les différentes oppressions qu'on peut vivre. Et je pense notamment à une oppression dont on n'a pas du tout parlé jusqu'à présent, mais qui pour moi est très très en lien avec les vécus TPG, c'est les vécus putes. Parce qu'en fait on est quand même nombreux et nombreuses à être putes pour des raisons de LGBT-phobie dans nos quotidiens et au travail notamment. Et du coup on se retrouve à faire ce taf-là parce que c'est pas forcément possible d'en faire d'autres, ou pour différentes raisons, mais que c'est aussi un vécu qui est pas mal invisibilisé, et que là, dans les cortèges radicaux, ça permet aussi de pouvoir venir en tant que pute ouvertement dans l'espace public, et que c'est encore une fois un espace qui peut nous être interdit. Et pour moi, j'ai vraiment un truc de la lutte des putes et les luttes TPG sont vraiment très très similaires, et que les Prides, c'est un endroit pour aussi retrouver tout ça. Tu n'as pas envie de lire ton petit texte? Non, je te demande parce que tu as dit que tu as écrit un truc, on pourrait l'écouter, ou en tout cas moi ça m'intéresserait. Bah, du coup oui, je peux le lire, c'est la prise de parole que j'ai faite à la Pride de Cré. Du coup, c'est une prise de parole perso parce que je faisais aussi partie de l'organisation, on a fait une prise de parole collective, donc là c'est la perso que je vais vous lire. Je prends la parole à titre personnel. À Skip, on est là pour faire entendre nos fiertés. Et j'ai envie de vous partager mes colères et ma rage. Je suis une meuf trans. Je suis une pute. Je suis citadine depuis un mois, après avoir passé les 25 premières années de ma vie en campagne. Et je pense qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que je ressente de la colère et de la rage. J'ai la rage d'avoir passé 23 ans dans un placard, parce que tout était fait pour que je ne puisse pas imaginer une seule seconde que je pouvais être une meuf trans. J'ai la rage contre ce monde qui m'a imposé d'avoir eu honte d'être une meuf et d'avoir intégré cette honte dans mon quotidien. J'ai la rage d'avoir dû, en devenant trans, perdre toute protection possible et avoir toute projection possible, excusez-moi, et avoir tous les jours l'impression d'être une survivante de la veille. J'ai la rage en pensant au milieu paysan dans lequel j'évoluais, qui n'avait d'un coup plus de place pour moi, parce que trans. De même qu'il n'a pas de place pour toutes les personnes qui ne sont pas des 6-7, blanches, valides, venant d'un milieu aisé. J'ai la rage d'avoir été seule une grande partie de ma vie, parce que trans, même placard, et qu'on nous condamne à vivre seul. J'ai la rage que la solitude soit inhérente à nos vies. J'ai la rage que peu importe mes choix de vie, j'ai le choix entre violence et violence. Je choisis la violence de la solitude, de l'isolement et de l'oubli de la campagne, ou la violence physique, les crachats, les passages à tabac dans la ville. J'ai le choix entre la dépression seule dans mon appart ou la peur constante d'être dans la rue. J'ai le choix entre la solitude du job ordinaire au milieu des 6-7 et leur évidente transphobie, ou la violence étatique qui fait tout pour que je ne puisse pas tapiner, pour que nous, les putes, soyons constamment en danger, et qui fait tout pour nous isoler les uns une des autres et de nos entourages. J'ai la rage, à 25 ans, d'être déjà fatigué de me lever le matin, épuisé de survivre, épuisé d'être en colère, épuisé d'avoir peur, épuisé de me demander comment je vais arriver à 30 ans. J'ai la rage d'entendre tous les jours dans mon entourage des personnes détruites par de l'inceste et des viols et qui essayent de survivre malgré tout. Et j'ai de la rage, de la colère contre le monde entier et énormément de tristesse quand j'entends qu'une sœur trans est morte. Parce que seule. Parce que trop dur d'être trans dans cet univers si hostile et surtout, parce qu'on fait tout pour nous empêcher de vivre. Alors d'être là aujourd'hui, c'est une immense fierté. La fierté d'être encore en vie. La fierté de faire partie de la communauté des meufs trans. Parce que l'on veut nous empêcher de vivre et qu'on est toujours debout. Et même si j'ai beaucoup de tristesse en pensant à celles qui ne sont plus parmi nous, Je suis si fière d'elle, parce que je sais quelle énergie nous a demandé pour survivre. Et je sais aussi que leur existence et leur énergie m'ont permis et nous permettront de continuer à se battre. Je suis fière de vivre ma vie en dehors des carcans qui nous ont été imposés. Je suis fière de défier l'ordre moral en étant une meuf trans, une pute, une chaudasse asexuelle. Je suis fière de pourrir le patriarcat de l'intérieur en refusant de l'intégrer. Et je suis fière d'être ici, à Cray, pour secouer cette petite ville de campagne de nos énergies, de nos vies, de nos luttes et de nos espoirs. Et surtout, parce que sans vous, la vie n'aurait aucun intérêt, je suis fière de vous tous, trans, PD, Gwyn, bi, inter, travelo et pute en tout genre. Merci de faire partie de ma vie. Toujours en direct sur le 89.5 Radio Dio dans Comme un ouragan. Et on vient d'écouter un vieux morceau de Gentile qui s'appelle Bricks and Bottles et qui rappelle que Stonewall c'était avant tout des émeutes. Point. j'aurais envie de. C'est vrai, ça marche pas très bien cette suite, mais bon, je vais les poser quand même. Après cette très, très belle prise de parole que tu as dit que tu as fait à Cray, que pour moi, j'ai trouvé ça drôle quand j'ai dit j'ai écouté un peu trop tout le son qui était fait à Synthé et qui était... Bon, en vrai, je ne sais pas s'il y avait vraiment des prises de parole, mais moi, en tout cas, ce truc que j'ai entendu, c'était du slogan. Il y avait des prises de parole ou pas? Oui. Ah ouais? Ouais. Tu rigoles, hein, c'est pas toujours, je sais pas. En tout cas, dans le sang, il n'y avait pas. Il y avait des slogans et que, moi, j'avoue, j'ai beaucoup rigolé parce qu'il y avait des trucs pour moi très typiques. Synthé, c'était un peu comme TPG, Antifa, TPG, Antifa, ou c'est moi, un cob. Bon, tu as dit, voilà, tu peux choisir, dépendant quel slogan tu t'entends, qui tu t'écoutes. Tu peux t'imaginer être sur des manifs différentes à Synthé. Mais bon, en fait, tu sais, là, c'est une pride et voilà. Mais il y avait... En vrai, je trouvais ça bien parce qu'il y avait plein des revendications d'autres. Comme je dis, il y avait tout le truc qui est dénoncé, les violences policières racistes. Après, il y avait pas mal des slogans un peu antifascistes. Anti-bourgeois, anti-cato. Et on pourrait écouter, qui était plus comme bon, les trucs comme moi, j'entends, je crois, à presque tous les prides ou comme ça en France, c'est un peu souvent les plis chaud qui sont voilà. Et après que le sexe anal pour qui après, ça fait des revendications pour voilà. Alors peut-être on pourrait se écouter une petite virgule sur, je crois, ça s'appelle être très plus chaud et sexe anal. Bon, et après voir. Ça se bidonne en studio, je vous l'annonce. Des petites réactions sur ces slogans, chers camarades ? Une pride sans slogan, c'est pas une pride. Moi, c'est essentiel pour moi, vraiment. Là, quand il n'y en a pas, ça me fait péter un câble. Ouais, moi je trouve que ça fait partie aussi, moi je trouve un peu de ce qu'on causait aussi, enfin un peu tout du long en fait quoi, à la fois là, ce mélange d'émotions et de revendications politiques quoi, de dire, et là on va être ensemble et on va pas dire n'importe quoi et qu'en même temps il faut trouver des choses qui riment, alors du coup ça aboutit à des choses qui se répètent dans un sentiment de communauté, que des fois après quand on les redécortique, on est là, mais est-ce que vraiment le sexe anal c'est pour le changement social, qu'est-ce qu'on en pense, et les PDG de G. Moi j'ai aussi le souvenir d'une marche de nuit après une pride à Rennes où je pense qu'il y a au moins une personne qui était là aussi, où on avait inventé des slogans, mais je pense les plus absurde tout au long de la soirée. Et pour une fois, en fait, on avait pu aller dans le centre de ville de Rennes, ce qui n'arrive jamais d'habitude, puisque ça fait des années que toutes les manifs peuvent pas rentrer dans le centre ville de Rennes. Et c'était assez drôle de gueuler tous ces slogans les plus absurdes au milieu des gens qui étaient à la terrasse des bars et qui comprenaient pas vraiment pas ce qui se passait, quoi. Mais moi, je suis assez d'accord en plus avec ce truc d'absurdité. Enfin, je trouve qu'il fait du bien aussi, en fait. Enfin, déjà, moi, je crois que TPG Antifa, ça m'a fait vraiment hyper plaisir. Il y a une grosse banderole qui a été déployée aussi qui disait ça. Je pense que pour le coup, quand on se balade dans le centre-ville de santé en criant TPG Antifa, personne ne comprend parce que déjà, plein de gens ne savent pas ça veut dire quoi TPG. Mais juste, ça faisait du bien. En fait, ça fait du bien de aussi se réapproprier ces trucs-là, dire que les luttes antifascistes, elles sont de fait dans nos vécus parce que, en fait, ben, y a plein de gens qui ont raison à la Pride qui sont les premières personnes visées par tous les systèmes fascistes auxquels on fait face. Mais aussi le truc que j'ai adoré, c'est ce truc de un des principaux slogans de cette Pride, c'était c'est dégueulasse. et que le jeu c'était juste de trouver qu'est-ce qui était dégueulasse, et qu'en fait il y avait tellement de choses dégueulasses, on pouvait vraiment tout dire, et que ça faisait ce truc absurde en fait, de, à un moment ça fait du bien de pouvoir lister, se rendre compte que la liste elle est infinie. Si jamais une petite virgule c'est ça, aïe aïe aïe, mais allez, du coup, les gens de droite c'est dégueulasse et les cathos. C'est dégueulasse. Ça marche bien. Et moi, j'ai envie de faire juste une petite aparté sur justement l'absurdité de certains slogans, et notamment, et pas que absurde, mais sur le, par exemple, le slogan du sexe anal pour le changement social, que moi j'aime particulièrement, parce qu'en fait, on est tout le temps stigmatisé sur notre soi-disant sexualité, alors que les gens ne savent absolument pas quelle est notre sexualité, elle est juste fantasmée. Et du coup, de se réapproprier aussi ce truc de sexualité et de pouvoir le gueuler dans la rue, qu'on fasse du sexe ou qu'on n'en fasse pas, mais en tout cas, à vos yeux, on en fait, du coup, autant le revendiquer, et ça fait aussi du bien de pouvoir gueuler ça. Et puis aussi d'ouvrir des imaginaires érotiques chez des hétéros, c'est aussi assez intéressant. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit si absurde en vrai. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même tout un tas de trucs qui se jouent autour du trou de balle qui ouvrirait plein de débats sur plein de trucs, sur le fait de faire des enfants, sur tout un tas de trucs qui est finalement pas si délirant en vrai. Une émission sur anal. C'est un peu déjà fait. Hein. Ouais, moi, j'aime beaucoup m'inspirer de la tête des gens que je croise dans la rue pour sortir des slogans. Et c'est ce qui s'est passé un peu pendant toute la marche à santé. C'est, tu croises quelqu'un qui a potentiellement une gueule de faf, ou potentiellement une gueule de bourge, et là, où tu gueules le capitalisme, c'est dégueulasse, quand t'es dans des rues piétonnes où les gens sont en train de faire leurs emplettes. Moi, je sais que j'ai eu une petite anecdote sur une marche de nuit qui a été faite à Valence, donc la ville de Faf par excellence. Et on l'a faite à 19h. Et c'était trop bien, c'était un samedi. Et les gens, ils étaient tous en terrasse. Et on était, allez, peut-être 100, 150. On a l'impression d'être 1000. Parce qu'on avait une visibilité de dingue et que les gens, ils étaient un peu bloqués sur leur terrasse, ils ne pouvaient que nous regarder et nous écouter, et c'était si jouissif, quoi. Bah ouais, moi j'ai l'impression que c'est ça aussi qui fait du bien dans les marches des fiertés, quoi. C'est ce moment où on peut être complètement fric, c'est débordant et dégoûtant, et dire en fait c'est tellement pas nous qui sommes dégoûtants, quoi, et qu'on a des revendications et qu'on est là pour se battre, mais qu'on est là aussi avec plein de choses à dire autour de notre sexualité et que ça en fout partout, quoi. Moi j'ai l'impression que les slogans, ça nous donne encore plus de visibilité quand on est dans la rue plutôt que la musique. Et du coup, on a quand même passé une après-midi à préparer ces slogans, et tellement c'est important en fait d'en avoir pendant les marches. Et c'était super. C'était un super moment. C'est le moment pour la question. C'est quoi votre slogan préféré ? Non, mais vraiment, ça m'intéresse après écouter tous les slogans. Et quand même, moi aussi, une manif ou une pride sans slogan, ça ne marche pas. Mais il y a des trucs que tu répètes comme ça, il y a un peu, j'ai l'impression, un peu les slogans, tu l'as, en fait. Ça, c'est quelque, moi, je vais les dire s'il n'y a personne qui les dit ou que pour moi, c'est trop important. Est-ce que vous n'avez pas ? Est-ce que vous avez ça ? Alors, moi, je me rappelle de la première marche des fiertés à Dijon où je suis allé avec un pote ultra radical. On était là un peu pour voir ce qui se passait. Et on s'est retrouvé derrière le Parti communiste et on s'est demandé ce qu'il foutait là quand même. Et du coup, ça m'a permis de voir mon ancien professeur de philo. Et du coup, le pote qui était vraiment, vraiment remonté, qui s'est mis à crier « Les hétéros au goulag !» Et je dois dire que j'ai vraiment adoré. On était un peu que deux à le dire, mais... Ben, moi, j'ai l'impression que vu l'actualité, c'est chaud pour perdre Rio, ça passait vraiment très très bien. Et que là, avec du recul, ça fait quand même un peu serrer les dents en même temps de se dire que, ben, il a quand même osé se pointer à la fin de la... Enfin, sur le moment où la Pride se finissait à Hôtel de Ville, en fait, il était là, il est venu un peu, genre, montrer sa tronche et serrer des mains. Et du coup, avec tout ce qui sort en ce moment sur ces petites manipes ultra, ultra, ultra homophobes. Et plutôt phobe, ça fait un peu serrer les dents. Et en même temps, c'est un peu drôle de le voir être dans la galère. En plus, on l'a raté avec la farine. Ça, ouais, on a manqué de 5 minutes d'organisation collective. Ouais. Ça s'est joué à pas grand-chose. Et puis du coup, il n'y aura sûrement pas d'autres occasions. Moi, sur les slogans, vraiment le moment où on cite tout, enfin tout, on n'y arrive jamais. Mais... à la mémoire de tous ceux qui sont tous ceux qui ne sont plus là. En général, vraiment, je pense que là, mes cordes vocales, elles triplent de volume. Et c'est vraiment pour moi... Il y a des slogans que j'aime beaucoup parce qu'ils me font rire et parce qu'ils font chier. Et il y a des slogans que j'ai même du mal à les dire tellement ça me saisit d'émotion. Et j'aimerais qu'on puisse avoir des prides assez longues, vraiment, pour citer tous les noms. Parce qu'il y a toujours des gens qui viennent te dire « il faut dire lui, il faut dire lui ». Et toi, t'es là « oui, mais en fait, il y a eu trop de morts par les keufs, trop de morts par l'État et trop de morts par l'institution ». Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment le slogan le plus important. Moi, c'est aussi un des slogans qui me fait le plus d'émotion, où je suis presque au bord des larmes, même si juste avant, j'étais en train de rire aux éclats. Quand ce slogan sort, je suis un peu au bord des larmes. Et je l'aime aussi beaucoup. Et moi, un slogan que j'aime vraiment aussi énormément, mais il me semble qu'il n'est pas sorti à la Pride de Saint-Thé, c'est « Ni homme ni femme, transpédéguine ». Parce que pour moi, j'ai l'impression qu'on est aussi nombreux et nombreuses à soit pas avoir envie, soit à galérer à se définir dans cette binarité-là, et que de dire, en fait, on n'a pas vraiment besoin de se définir en tant qu'homme ou femme, ça, on s'en fout. Par contre, on est des déviants, des déviantes, et on se retrouve derrière le terme politique transpédéguine. Et moi, je sais que c'est, je pense, le terme qui me parle le plus à tous les moments de ma vie. Mais je rajouterais quand même... Pardon, je rajouterais aussi tous les slogans pour les sans-papes et contre les cras, où je pense que j'ai à peu près la même émotion que pour la mémoire de ceux qui ne sont plus là. Moi, j'ai le slogan « pas de fierté sans... » et on la liste des putes, les inter, les racisés. Et c'est hyper important pour moi parce que l'intersectionnalité des luttes, je suis une personne noire, trans et j'ai pas envie d'avoir à faire un choix. Et du coup, quand je suis dans un milieu majoritairement blanc, et du coup, quand je vois mes potes et mes alliés qui crient ce slogan-là, ça me fait tellement du bien parce que je me dis que je suis dans un espace où je suis compris et accepté, et à chaque fois, ça me transporte, quoi. Et je viens d'en avoir un qui vient de regermer en tête aussi, parce que tout à l'heure, on parlait un petit peu de fierté. Et moi, j'aime beaucoup le slogan « Tant que les traves ou tant que les putes ou tant que les personnes racisées seront tuées, il n'y aura rien à célébrer. » Parce que ça pose vraiment aussi le truc de « C'est quoi la fierté ? Pourquoi on est là ? Pourquoi on défile dans la rue ? Pourquoi on se donne en spectacle aussi ?» Parce qu'on est souvent en spectacle, comme au zoo, avec des hétéros qui nous prennent en photo parce qu'on est si extravagant et extravagante. Mais en fait, on continue de crever. Et je trouve ça très important de questionner aussi la fierté au sein même des marches des fiertés. Je sais pas si vous avez prévu de revenir sur les prises de parole ou pas, qui peuvent y avoir. Si, on peut. Ouais. Ouais. Parce que du coup, tu nous as fait part de ton texte, on a un peu passé. Lors de la Pride à Creil, il y a eu une prise de parole par les personnes racisées non blanches, et qui pour moi a été... hyper intense. En fait, on était 5-6, je sais plus. À la base, on devait le faire à 2 ou 3. Et en fait, comme je fais souvent de manière très impulsive, je suis allée chercher toutes les personnes potentiellement racisées dans le public, hein, parce qu'on est bien d'accord, il y a plein de gens qui ont du white passing, mais eux, c'est plus dur de les inviter. Et je suis allée les chercher en leur proposant de venir faire cette prise de parole. Et l'idée, c'était en fait de se mettre devant l'ensemble des gens et de mettre nos mains sur notre bouche et de faire comme si on essayait de parler mais on n'y arrivait pas. Et ça, c'était vraiment pour montrer... moi, je pense que si je fais beaucoup des slogans dans la rue, c'est parce que je suis racisée, que je fais partie de la classe plutôt moyenne-basse et que du coup, moi, la parole, on me la donne rarement. C'est la première fois que je suis à la radio ce soir. Et du coup, il y a un truc de... Les slogans, c'est plus facile parce que moi, j'ai été éduquée pour gueuler, en fait. J'ai grandi en quartier, du coup... je gueule. Et je trouvais que cette prise de parole, elle était très représentative, en fait, du fait que les personnes racisées et non blanches, la plupart du temps, on leur laisse pas la parole, ou alors on leur demande de pas parler trop fort, de pas parler trop vite, de s'exprimer correctement. On va les reprendre dans leur manière de s'exprimer parce que c'est pas du bon français. Et c'était hyper fort. Et puis en plus, il y a eu un truc de chacun s'est approprié cette prise de parole. Je leur avais dit si à la fin vous avez envie de dire quelque chose. Et en fait, toutes les personnes racisées avaient quelque chose à dire. Et c'était hyper impulsif, hyper spontané. Il n'y avait rien qui était prévu. Et du coup, c'était hyper intense. J'ai dit intense 4 fois. Donc, je pense que vous avez compris. On n'a pas une petite chanson qui s'appelle Intense ? Une autre, mais non, mais en tout cas, moi je trouve que ça, ouais, c'est ça, une petite chanson. Mais en tout cas, un des enjeux de la discussion, c'était d'aller causer aussi comment est-ce qu'on est des héritières et des héritiers des luttes de Stonewall qui étaient portées sur des revendications communautaires de personnes qui vivaient du racisme, de la transphobie et des solidarités communautaires et qui avaient fait le choix aussi de l'autodéfense collective et de lutter contre la police, etc. Et comment est-ce qu'on s'en sent les héritiers, comment le temps de la marge des vertés, c'est un temps de lutte et de revendication. Et de... Je crois qu'il y avait un peu des questions autour de ça. Et moi, je trouve que toutes les prises de parole, là, en tout cas, elles renvoient vachement à la marge de fierté. C'est l'émotion, la fête, être ensemble. Mais c'est aussi, évidemment, un temps de lutte et un temps où ça cause, quoi. Et une chanson, carrément. Vai a chover, porque não quebrada sem terror pode chegar mexendo um brinco. Quebrada sem terror pode chegar mexendo a raba. Quebrada sem terror pode chegar mexendo um brinco. Quebrada sem terror pode chegar mexendo a raba. Eu tô no baile um drink tô pleno. Avistei bem de longe o moreno. Só nós troca de olhar, sorrisinho pro ar. Que é pra me impressionar, decidi vou chegar. Vamos ver como que desenrola. Se a ideia do boy é sagaz, Murilo tá na pista e agora cê me mostra se é eficaz. Tu me valoriza, sei que prioriza. E eu deixo bem claro onde pode chegar. Tchelo não perdoa, bem rock balboa. Mexe ou não segura, vai ter que aguentar. Se eu caio, não falo primeiro, investigo. Se eu fico contigo e assim me entregar. Aqui não bagunça, mas vem, não se assusta. Se gosto, não escondo e posso provar. Vai no chão, eu gosto assim. Na sedução, chega no passinho. Cola então seu corpo em mim. Que perfeição, eu tô afim. Nós chega pesado no kit, cola. Não precisa de convite, é só encostar. Vamos se animar de dia e de noite, prontas pra fechar o tempo. Traz as bebidas, sigo esquecendo os problemas da vida. Tornando a vista bem mais colorida. Simplicidade que me ressuscita. Sorriso sincero na cara depois de umas barras que eu enfrentei. Mostram que eu sou herói, mesmo sem vencer, meu máximo eu dei. Por isso vou comemorar com você e com quem mais quiser se envolver. Chama suas amigas e bora pro baile ferver. Quebrada sem terror pode chegar mexendo um brinco. Quebrada sem terror pode chegar mexendo a raba. Quebrada sem terror pode chegar mexendo um brinco. Quebrada sem terror pode chegar mexendo a raba. É, você não entende, eu vim contra a corrente. É que eu não vou deitar pra tu me admirar. Tipo agora na miragem, sou tipo a minagem. Não mexe comigo, eu proponho um sonhado cheio de amor próprio. Remédio pro ódio, vocês podem ser hater, mas vão xerocar. Corta a língua com os dentes, vocês gostam da gente. Mesmo que quisesse, não podem pagar. Vem, deixa eu falar. Que as minhas rugas só se curam depois que cê aprovar. Vim, pode falar. Que depois que eu apareci, ficou difícil de agradar. Chega dando fala, cabelo na valha. Na hora não falha, tô vendo na cara. Me olha e não para, e o beck não palha. Me chama de canto pra nós caixa faia. Mexe comigo e chama, com seu olho chama. Bom beat, né, grama é aquele. Quanto mais eu canto grana, quanto mais eu rebolo na cama. Mais cê diz que ama, quanto mais eu te provoco, mais cê diz que gama. Bum bum bum pro ar, vai, deixa o povo falar. Me olha na maldade, vai, não para, rarara. Não para, eu não tô com vontade de esperar amanhã chegar. Não deixa pra mais tarde, então vai, se entrega. Vou passar o rodo, pirata focada na caça ao tesouro. Do naipe do Guigo, bem afrontoso. Falando ardido, as tatu no pescoço. Pode vir com o Harley cantando baixinho no ouvido. Eu garanto, vou querer de novo, parece um cello. Tuta, mas meu coração quando eu vi esse rosto. Eu tentei não querer tudo pra mim, fato. Mas eu bem queria um bom beat. Claro, arrepio o contraste da cor da sua pele. Com esse platinado tipo Murilo. Do black quadrado, cara de bebê com o short folgado. Te chamo de canto, te pego bolado. Com todo respeito ao seu namorado, só quero dizer, não vou me conter. E se essa disputa for só por poder, isso nós tem de sobra, tu vai entender na hora que o QQ se junta com a GG. Quebrada sem terror pode chegar mexendo um brinco. Quebrada sem terror pode chegar mexendo a raba. Quebrada sem terror pode chegar mexendo um brinco. Quebrada sem terror pode chegar mexendo a raba. On vient d'écouter Quebrada Queer, un groupe brésilien avec le titre Sem Terror. Et vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5 ou en streaming sur radiodio.org en train d'écouter l'émission Comme un ouragan, Radio Dio la plus TPG des radios ce soir. Wouhou. Pour enchaîner, moi j'avais un peu encore des questions, et c'est des questions que je pourrais me poser à moi-même aussi, je sais pas comment dire, mais c'est des questions un peu à partager, sur aussi comment est-ce qu'on fait coexister concrètement ce temps commun entre cortège radical et cortège général, on va dire cortège mainstream de la Pride, où on a eu un peu un retour là sur Saint-Étienne et que plutôt ça a fonctionné. Et moi j'avais un peu envie de nous demander c'est quoi les éléments qui font que ça fonctionne, c'est quoi l'intérêt de faire ça, et c'est quoi les endroits où il n'y a pas de compromis possible, où j'ai l'impression qu'on a déjà un peu répondu sur il n'y a pas moyen, je ne fais pas des allers-retours, mais qu'en même temps moi j'ai l'impression que dans quelque part moi j'ai un peu envie de nous brancher aussi le fait que en tout cas moi je sais que la première fois que j'ai été à une marche des fiertés, j'ai pas été dans le cortège radical et j'étais bien content qu'il y ait une marche générale qui soit faite et que je vois des gens, je sais pas, vous voyez un peu là sur comment est-ce qu'on fait cette alliance et à quel moment c'est plus possible et comment est-ce qu'on peut continuer à la faire exister. Moi j'ai l'impression que en fait le truc de la Pride c'est quand même un truc de l'ordre de l'événement et genre un truc qui est inscrit dans le temps à un moment, et que c'est ça qui permet de dire à un moment on veut faire un truc radical, mais que en fait là autour de la table on sait très bien que on a fait ce cortège radical avec un espèce de truc de rupture, de avoir envie de poser quelque chose de vénère et de dire nous on veut pas être ça, on veut être ça, mais qu'en fait de fait dans le reste de nos vies en fait on est beaucoup plus dans des trucs justement que on peut appeler de la compromission, ou j'en sais rien comment on peut l'appeler, mais en tout cas un truc de l'ordre de faire des allers-retours entre des espèces de d'exigences politiques et la réalité des choses. Et je trouve que à Saint-Étienne d'autant plus, parce que justement il y a ce truc de, je sais pas, je trouve qu'il y a aussi un peu une intelligence collective à Saint-Étienne, les milieux ils sont pas trop clos et que les gens communiquent, que les gens se connaissent, que les gens se croisent, et que du coup, de faire, en fait, il y a la place de, à des moments, être un peu en mode, on laisse zéro place à des trucs qui ne nous plairaient pas, et en même temps, en fait, dans la vie de tous les jours, en fait, tout le monde va faire des liens avec des trucs plus institutionnels, va s'engager dans des trucs où peut-être tout ne nous plaît pas politiquement, mais en fait, malgré tout, ça fait de la solidarité communautaire, ça fait des trucs qui font sens. J'ai l'impression que c'est des trucs qui se passent dans tout un tas de luttes, que c'est ce qui se passe dans les luttes pour le logement, pour les personnes qui n'ont pas de papier, de en fait, faire des allers-retours entre des trucs radicaux à des moments et aussi des moments où en fait, la réalité des choses fait que on travaille avec les gens, quoi, en fait, et que des fois, c'est ça qui fait sens, quoi. Et puis je pense que ça dépend, vraiment, tu l'as dit, au niveau du contexte, mais moi dans ma tête je fais aussi le parallèle avec la Pride qu'il y a eu à Cray, et que pour moi avoir un cortège radical, d'avoir un truc très très radical dans une ville ou dans une campagne, c'est pas les mêmes choses qui se passent, parce que dans une ville il y a quand même un anonymat qui est préservé, dans une campagne beaucoup moins. Je vois à Cray qui est une ville de 8500 habitants, là on était à la Pride, on était entre 700 et 800 personnes. Donc proportionnellement, ça fait quand même... on est très très visible. C'est des endroits où on passe tous les jours. On est reconnu tous les jours déjà parce qu'on est TPG. Et du coup, de fait, moi en tant que meuf trans, quand j'étais à Cray, je sais que tout le monde voyait qui j'étais au moins de vue. Du coup, suivant les actions qui se passent dans un cortège radical, on est repéré tout de suite. Et du coup, les enjeux ne sont pas les mêmes à chaque endroit. Et que je pense que la cohabitation à chaque fois, elle est à questionner de comment c'est possible, c'est quoi les enjeux. Et qu'il n'y a pas vraiment une solution miracle de, on veut que ce soit tout le temps le plus radical possible. On a des idées qu'on essaye de mettre en pratique, mais qu'il y a des moments où on est obligé de faire des compromis, et des moments où on a moins besoin, et c'est chouette quand on en a moins besoin de pouvoir aller sur un truc très radical, quand à d'autres endroits on a plus besoin de temporiser mais quand même exister, et que c'est un peu tout l'enjeu de comment on fait pour exister peu importe les endroits où on est. J'ai envie de rebondir sur ça, parce que moi, c'est un truc que je trouve pas seulement sur les prides en vrai, mais sur aussi d'autres manifs en vrai. de voir où on est, ce qui après qui le porte. Je ne sais pas comment dire. Comme tu dis, ce n'est pas pareil, campagne, ville et même pas toutes les villes. Pour moi, ce n'est pas pareil une Pride à Saint-Étienne ou à Lyon, de voir qu'est-ce que je vais crier, qu'est-ce que je vais dénoncer, qu'est-ce que je vais... Je sais pas. Et moi, en vrai, je trouve ça cool d'avoir ça en tête. Et de temps en temps, je trouve que c'est aussi le truc quand il y a plein de gens qui viennent à une ville ou à la campagne et qui ne se rendent pas du compte. De temps en temps, c'est un peu difficile. Je sais pas. Bon, l'exemple de la... Si c'est vraiment à la campagne, il y a plein de gens qui viennent et qui font, je ne sais pas, je dis un peu comme ça, n'importe quoi. Et après, tu es là, ouais, moi, je vais rester ici. En fait, moi, oui, c'est sûr, ce n'est pas pareil. Tu vas faire avec des gens qui sont là. Et si c'est les 10 autres LGBT en 40 kilomètres voilà, autour de toi, tu n'as pas envie de te fâcher avec eux sur d'autres questions politiques. Ou oui, ça peut arriver, mais je veux dire, ce n'est pas ça l'enjeu sur une Pride. Et bon, moi, en tout cas, je trouve ça bien, en général, de se rendre compte où on est et alors qu'est-ce qu'on gueule ou pas, et de voir comment faire avec ça. Et aussi de voir si on vit sur le lieu ou pas, parce que je pense aussi que l'arrivée de personnes extérieures sur un lieu... où ces personnes ne vivent pas, ça permet plus de radicalité du coup à questionner sur la posture des personnes qui vont rester sur place, mais aussi cette arrivée de plus de radicalité peut être chouette dans le sens où je pense plus à Saint-Étienne par rapport à Cray, mais des personnes qui sont pas de Saint-Étienne qui viennent faire des trucs plus radicales ou dans d'autres villes, le fait de pas y vivre permet aussi une liberté un peu plus grande qui peut être chouette que les personnes sur place ne peuvent pas faire. Et du coup, je trouve que c'est quelque chose à questionner, mais qui est aussi intéressant d'avoir des personnes extérieures qui viennent et qui peuvent se permettre plus de choses que les personnes qui vivent sur place. Ouais, et puis moi, je trouve que même si c'est pas très radical quand on est contre l'État de demander des droits, et ben en fait, pour moi, les Prides aussi, c'est aussi ça permet aussi ça, et c'est aussi faire ces alliances-là avec des assos plus institutionnels. Par exemple, à Santé, moi, je parle pour les personnes trans, le changement de prénom, c'est encore pas simple. On nous demande des pièces médicales alors que c'est interdit par la loi. Il y a plein de personnes trans qui se font refuser leur renouvellement d'ALD. Les changements d'état civil au tribunal, c'est hyper compliqué. Et du coup, ben, à des moments, en fait, c'est pas juste nous, groupe TPG à 15 ou 20, qu'on peut arriver à obtenir. C'est même pas des droits, c'est le respect de la loi, parce que les lois, elles existent. Et même si on est contre la loi et l'État, ben, en fait, à un moment, on a besoin d'améliorer nos conditions d'existence aussi. Et pour nous, et aussi pour les personnes qui sont plus isolées, plus précaires. Du coup, pour moi, les Prides, c'est aussi ces moments-là, quoi. Ouais, moi, je pense qu'il y a un truc dans la... J'ose même plus utiliser le mot radical aujourd'hui parce qu'il est utilisé à toutes les sauces. Et je trouve que dans la radicalité, il y a souvent aussi un truc d'élitisme. Où aujourd'hui, j'ai la chance de me sentir avoir ma place dans la communauté, mais ça a mis hyper longtemps. Je pense que c'est que depuis 2 ans et j'ai 37 ans. Et je pense qu'il y a vraiment ce truc de n'oublions pas les personnes racisées, n'oublions pas la classe moyenne, basse ou prole, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, je pense que les personnes LGBT racisées ou les personnes LGBT de la classe prole vont se reconnaître plus facilement dans LGBT que dans la radicalité ou dans TPG. Et en fait, TPG, c'est super pour nous parce qu'on a la chance d'y être et qu'on a nos potes, on a notre famille. La famille qu'on se crée, mais il y a tous ces gens qui n'ont pas accès à ça, et du coup, les luttes LGBT, même si tout à l'heure je disais les gays de droite, il faut les abattre, je pense que c'est aussi important quand même de rester ensemble fort pour que des personnes plus isolées peuvent se reconnaître plus facilement dans cette identité et dans les mouvements de lutte concrets, quoi. Je veux dire, quand... Je ne vais pas te foncer, mais comme je suis curieuse, et tu as dit que tu as eu des paroles pendant le... Tu as écrit, non ? Tu as pris des paroles pendant la prête à Saint-Étienne. J'aurais très curieuse si tu nous lis ces paroles. Avec plaisir. Aujourd'hui, nous marchons en solidarité avec la Pride d'Istanbul et les 373 activistes qui ont été arrêtés pendant la marche des fiertés. Je suis à des milliers de kilomètres, mais je ne me sens pas éloignée de ce qu'a vécu la communauté d'Istanbul. N'oublions pas que la première Pride était une émeute contre la brutalité policière, contre les violences et la discrimination continue auxquelles la communauté LGBTQI+ et racisée était et est toujours confrontée au quotidien. Les violences et les arrestations arbitraires menées à Istanbul nous prouvent que jamais nous ne devons arrêter de nous battre contre des États et des institutions où le pouvoir policier censure, tue, opprime sous prétexte de défendre l'ordre public, alors qu'elle ne fait que protéger et maintenir un régime social inégalitaire dont jouissent les classes dominantes, blanches, bourgeoises, hétéro, cis et valides. J'ai la rage contre cette institution organisée pour reproduire des violences systémiques, contre nos corps noirs, non blancs et non conformes. Je suis fatiguée, épuisée, en colère, de voir mes pères racisés vivre la discrimination d'une préfecture raciste. Le dispositif d'accueil exceptionnel mis en place pour les réfugiés ukrainiens et ukrainiennes ne devrait pas être exceptionnel, mais appliqué à toute personne réfugiée, exilée, immigrée, peu importe son pays, sa culture ou ses origines. Je n'en peux plus de cet acharnement contre mes frères racisés. Ici, à cette marche des fiertés, je crie justice pour Mohamed Ben Mouna, justice pour Amadou Koumé et pour tous les autres dont la liste est beaucoup trop longue. La fierté est une protestation, une manifestation contre la discrimination, la violence et la brutalité. Queer, LGBTQI+, racisés, handi, putes, de France à Istanbul et partout dans le monde, ne cessons jamais de crier notre rage contre un système qui nous tue et nous opprime. Notre amour, les uns et les unes pour les autres, notre solidarité pour nos frères, nos sœurs et nos adelphes. Rappelons-leur que toucher à l'un ou à l'une d'entre nous, c'est toucher à toute une communauté, car notre libération ne se fera pas sans une convergence des luttes. Merci à la Pride d'Istanbul, qui par son courage m'a donné la force d'écrire et de lire ce texte. And problems that I go through. Sometimes I can't sleep at night. If I hide my face, heaven would be, it wouldn't be the worst thing that I ever did. It's a hell of a world that we're living in. James 2:10, a sin is a sin. Don't look at me immediately and whisper behind my back thinking I'm naive. It's my Southern tolerates more beers than even I can believe. There's an outcast in everybody's life, and I am her. There's a dark cloud in everybody's sunlight, and I am her. There's a shadow in everybody's front door, and I am her. On generations I've known. And it's ironic, the smarter we get, the less we understand about the simplest shit. I am Shane, she is me. We get down with our bad selves figuratively. Don't care too much what other people say. I get along swell by my goddamn self. Never ask for no one's philosophy. There's a shadow in everybody's mind. Bon, c'était difficile à deviner. Ce titre s'appelait I Am Here de Shea Diamond. Voilà. Et on voyage gentiment à la fin de cette émission, mais quand même, on a envie encore poser une toute petite question qui ne laisse pas du tout la liberté pour répondre pendant une heure. Ce sera quoi votre Pride idéal? Bon, on va se prendre court quelques phrases comme ça. Non, mais on a envie de un peu rêver ensemble. Qu'est-ce que ce sera pour nous une pride idéale? J'aime pas ce mot idéal, mais bon, je vais le dire, c'est comme ça. Alors, vous avez des idées? Ouais, moi je crois que la pride idéale dans ma tête, c'est assez clair. Enfin, en tout cas, j'ai des images assez claires. Je sais pas si je saurais les dire, mais je pense que ça ressemblerait pas mal aux manifs de gilets jaunes de décembre 2018. Je crois qu'une pride idéale, ce serait une pride où au début il y a beaucoup de monde et puis après tout à coup on se dit mais comment ça se fait qu'il y a autant de monde et puis qu'il y a tellement de plus en plus de monde et puis que tout doucement il y a tellement assez de monde que finalement les gens se disent que ce serait facile de rentrer dans la mairie et de rentrer dans la préfecture et de rentrer dans tous les endroits qui font grave chier et de en faire des confettis et puis qu'il y a tellement de monde que la police se dise qu'elle aurait qu'à aller faire un tour vraiment plus loin, genre très très très très très loin et que finalement il y a tellement de monde que ça qu'on puisse aller faire un tour à la Talaudière par exemple et puis qu'il y a tellement de gens que les portes finalement elles s'ouvrent en fait et puis que les gens ils puissent sortir et dans les cras aussi et puis que les gens des autres villes ils se disent oh là là mais il y avait beaucoup de monde à cette prête, on aurait qu'à faire pareil et puis qu'après il y aurait plus tout ça. Le quotidien, c'est une pride après, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et qu'en fait, après la pride, elle s'arrête plus jamais. En fait, c'est tout le temps la pride. Moi, je pense que la pride idéale, ce serait la pride où on n'est plus que dans de la fierté et où on n'est plus dans la lutte et la colère. La pride idéale, ce serait la pride où les putes, les trans, les pédés, les gouines, elles se feraient plus assassiner pour ce qu'elles sont. C'est pas rendu, hein. Désolé pour le petit message noir. Bon, moi, j'avoue, ce sera plutôt le prêtre idéal, c'est plutôt d'avoir plein, plein, plein, plein de prêtres dans des villages. Franchement, je suis fan des prêtres dans la campagne et c'est pour ça, comme je n'ai pas eu le vécu que les gens des villes vont aller à des prêtres en campagne, je trouve ça super quand concept et on va inverser ça et aller... dans le village pour et quand même réfléchir un peu qu'est-ce qu'on va faire, mais je veux dire, j'aime bien cette image. Moi, je crois que pour moi, la pride idéale, quelque part, c'est quand elles n'existeront plus parce qu'il n'y aura plus besoin, parce que le monde entier sera transpédéguine, qu'il n'y aura plus d'hétéros, et du coup, il n'y aura plus besoin de faire des prides et qu'on n'aura pas besoin d'être fier, juste on vivra sereinement de notre quotidien et que. Quelque part, la vie serait une énorme pride, ou alors il n'y aurait plus de pride, je ne sais pas. C'est l'orgasme. Final. Fistons-nous. Et demain. Les trans, les gouines et les pédales seront le genre humain. Je suis grave d'accord avec tout ce qui a été dit. Et moi, ce que je rajouterais, la pride idéale, c'est le jour où. J'aurais plus peur, parce que même quand on est beaucoup, j'ai toujours peur de voir les flics, j'ai toujours peur d'être vue dans la rue par des gens et que je sois reconnue plus tard. Du coup, le jour où j'aurai plus peur, le jour où il n'y aura plus de pride, ce sera l'idéal. Et en attendant la pride idéale, il y a aussi des fêtes transpédéguines idéales qui se préparent. Oh, la pression. C'est quoi, c'est quand? Hey, ça arrive bientôt, c'est dans 3 jours maintenant, il me semble. Oui. C'est le 30 septembre à la Gueule Noire, à partir de 19h, avec un démarrage, une lutte rigolote, ensuite une scène ouverte, et ensuite un DJ set qui finira en boum. Tous les trans, les PD, les gouines, les sexuellement déviants du genre... sont les bienvenus. Les bi, vous êtes les bienvenus. Je le répète. Les bi, vous êtes les bienvenus. Et moi, j'ai une question aussi. Il y a une permanence LGBTQI+, bientôt à l'Amicale Tardy. Non, à Saint-Étienne. Et bah, justement, j'ai pas d'agenda devant les yeux. Il faudrait qu'on prenne un agenda et qu'on se rende compte qu'elle est. C'est le lundi de 17h à 21h. C'est pas genre le 8, le 9, le 10. Ça va être en octobre. Je crois que c'est le 10. Avec un petit peu de suspense. La grande bulle tendre qui invite à plus, c'est le 10 octobre, de 17h à 21h, à l'Amicale Lake de Tardy. Venez, ça va être sympa. Moi, je veux bien faire une annonce aussi, dans la campagne. On fait une fête coming out d'une super asso qui s'appelle Intimpo, qui est une association d'éducation populaire qui tente de donner de la visibilité aux corps minorisés et qui a, je la présente mal parce que c'est pas mon asso, mais qui a une grosse vision décoloniale et qui font le lancement de leur asso le 8 octobre et tous les queers sont invités à foutre le dawa dans les rues de Oust-sur-Cie, the place to be. À côté de Cré dans la Drôme. Ouais, et je sais pas comment donner les infos. Ben, Oust, c'est pas très grand comme village, du coup vous devriez trouver assez vite un troupeau de queers racisés, ouais. Et pas que. Rendez-vous 15h à l'église à Oust-sur-Cie, ouais, le 8 octobre. Et puisqu'il y a que l'église dans ce village, c'est facile à trouver. Merci. Bah ouais, c'est le moment de se dire au revoir. On a 34 minutes de retard sur notre timing. C'est honnête. Ça, on est pas mal. Et 4 minutes sur ce qu'on s'était déjà dit qu'on allait dépasser. C'est honnête. Ce qui est carrément honnête. Ce qui est carrément honnête. Et bah. Avec comme un ouragan, on se retrouve dans 2 semaines. Et merci beaucoup. Merci d'être venu. Et puis c'était super. Et puis voilà, on se retrouve à la prochaine Marche des Fiertés Radicales. Et puis avant ça, le 30 septembre, en fait. Attends. Je voulais demander quand même, parce que les slogans, les petits virgules qu'on a écoutés, c'était quand même des. D'autres, par exemple, les slogans un peu plus TPG. On pourrait écouter une petite virgule qui s'appelle peut-être virgule TPG. Je ne sais pas, parce qu'il y a une de mes slogans préférés à la ça fin. Y est pas. Oh non. C'est un autre. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Il reste C'est dégueu. C'est dégueu, on a eu. Non. Mais si, c'est Antifa et dégueu. Et pendant que vous débattez de quelle virgule sonore on se passe à la fin. Non, mais peut-être dire merci au camarade Zéloui qui a fait toutes les prises de son pendant la Pride et qui nous les a envoyées. Et merci à Outa qui nous a fait tout le montage de ces superbes virgules. Et du coup, on vous. Et merci à Grâce. Ouais. Pour nous avoir raconté la toute première Pour nous avoir raconté la toute première Pride. Vous avez vu, je fais le la retransmission. Et on se quitte avec le dernier montage de slogan et puis un petit morceau de musique. Oui. Qui s'appelle Stonewall was a riot. D'un groupe de post-punk. Voilà. Dont je me rappelle plus le nom. Voilà quoi. Cool. Merci. Et merci à la technique. Bonsoir. Antifa, TPG, Antifa, TPG, Antifa.